As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Magic circle, bulldozer, demonized atrocity, Goshwama, and more. Salut, Sylvain Latour ici à la barre de Subversion, édition du 15 janvier 2016. Je suis avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio pour une autre émission de musique subversive, évidemment. Aujourd'hui, on va avoir une émission, ben, du moins pour la première moitié là, de l'émission, ce sera assez old school. C'est de circonstance puisque à la mi-temps, nous aurons en entrevue la très sympathique Annick Giroux du groupe Cauchemar. Donc, j'en parle plus en détail justement à la mi-temps, alors à surveiller. Et puis, que dire d'autre que, la première moitié de l'émission est pas mal consacrée aux années 80. Mais c'est ça, moi personnellement, ça va me rappeler, ça va me remettre dans l'esprit là de l'époque où ce que j'ai fait un peu de radio traditionnelle à CIRC à Rouyn-Noranda. Donc, on a plus ou moins complété une saison là avec Subversion dans cette fameuse game du virtuel, du différé. Et justement aussi de la balado-diffusion qui joue un grand rôle dans tout ça, dans la propagation de la musique, des idées et évidemment de la subversion. On y va tout de suite, pourquoi pas, avec ce premier bloc. On aura les Italiens de Bulldozer, on aura aussi les Américains de Trust, mais avant Demonize. Les Français avec la revanche des dieux de 1984. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio.

De ce groupe de Milan dont le magazine français Enfer à l'époque nous avait bien averti de ce qui s'en venait avec eux, avec leur premier album qui était un peu qui était la le déclarant comme la réponse italienne à Venom. Cette pièce qu'on a entendue, c'était The Cave, tirée de leur suivant, The Final Separation, de 1986. Avant ça, on avait eu Trust de Chicago avec Overdrive, tirée de Fist Held High, de 1984. Trust, groupe formé en 81, les sujets traités dans les pièces, c'est assez simple quand on consulte leur biographie: metal, killing posers, violence, Satan, thrashing. C'est quand même c'est simple mais direct, fait de façon quand même honnête. Il s'était fait connaître avec sur la compilation de Metal Massacre volume 4 de la même année avec la pièce Destructor. Avant Trust, on avait eu quoi? Demonize les Français avec La Revanche des Dieux, tiré de Rites of Chaos de 1984 également. Et on poursuit tout de suite en musique, puisque bon, si on veut inclure tout le verbal, tout le contenu, tout le blabla et tous les propos de l'émission, on va avoir Ludichrist, on va avoir Acid, mais d'abord Slaughter avec une pièce de 1986, je dis 86 puisque c'est sorti évidemment sur un côté B d'un 45 tours qu'ils avaient sorti à la fin de l'été de la même année, soit le 7 pouces Nocturnal Hell. On va entendre Tortured Souls, pièce marquante de ce 45 tours que je m'étais procuré lors de ma toute première visite au fameux magasin Rock en Stock sur Crescent à Montréal, le 2 septembre 86. Il n'y a rien à faire, la date est vraiment incrustée dans ma mémoire de cette visite mémorable. Et c'est pas mal là qu'on était rendu en termes de métal extrême là, à l'été 86. Là, c'était vraiment la course au BPM, au beat par minute, là, avec les Creator, Pleasure to Kill qui venaient de sortir, le Convicted de Cryptic Slaughter, les démos d'Aggression et de Veermock. Quelle belle époque! Et retrempons-nous dans cette époque avec cette pièce de Slaughter, Tortured Souls, sur Underground Québec Radio. écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Christ, ce groupe de Long Island qui amenait comme ça un vent de fraîcheur à l'été 86 avec cet album Immaculate Deception qui fait toujours du bien à réécouter. La pièce d'ouverture qu'on a entendue étant Fire at the Firehouse. Oui, et cet album célébrera son 30e anniversaire, tout du moins le groupe, j'espère, le célébreront, 30e anniversaire de cet album Immaculate Deception. Avant ça, on avait eu Acid de Bruges en Belgique, formé en 80, oui, et on a entendu une pièce de leur deuxième album, America, oui, de cet album qui s'appelle Maniac, que je considère comme un des, oui, de ces grands classiques et incontournables de la belle époque des imports, au même titre que les Fire in the Brain de Oz ou les See You in Hell de Grim Reaper. Oui, c'est vraiment un de ceux-là, Maniac. Et oui, la chanteuse Kate de Lombard, qui est entourée de musiciens avec des noms assez rigolos, a mentionné T-Bone, Anvil, Demon, Daisy Lazy. Je trouve ça bien drôle les noms que les musiciens se donnaient dans les bandes à l'époque. Mais ce qui est important de constater, c'est que la musique, elle est toujours aussi pertinente aujourd'hui. C'est quand même étonnant de voir à quel point certains albums ont très bien vieilli, et c'est le cas pour Maniac. Avant ça, on avait eu Slaughter de ce trio de Toronto avec Tortured Souls de 1986, pièce ayant apparu sur le côté B de ce fameux 45 tours Nocturnal Hell, qui est paru plus tard évidemment sur l'album Strapado, qui avait été retardé de presque un an en fait, qui avait été enregistré en février 86 et qui n'a pas vu le jour avant le début 87. J'avais moi-même correspondu avec Terry Sadler, le bassiste chanteur, juste avant qu'il sorte l'album en question, après une série de plusieurs démos. Et puis, par après, ben, Fringe Records de Toronto, justement, m'avait commencé à m'envoyer du matériel dans les derniers mois de mon mandat de radio à CIRC. Évidemment, tout se faisait à la main hein, à l'époque, les lettres par la poste et tout. Ils m'avaient demandé même de traduire leur newsletter en français pour le Québec, ce qui était très long à faire. Mais ça n'a pas duré bien longtemps. Le band est comme retourné dans l'ombre peu de temps après. Donc, que de bons souvenirs finalement avec Slaughter, évidemment. Bon, c'est déjà la mi-temps, oui. Et c'est pour cette portion consacrée à Cauchemar. Cauchemar se produiront vendredi prochain aux Catacombes à Montréal avec Magic Circle. Ça se peut que j'aille malencontreusement renommer le groupe, rebâti le groupe Mystic Circle, ce qui n'est pas tout à fait dans le même genre. Oui, Magic Circle et Starlight Ritual dans une soirée appelée A Cry from the Crypt, une soirée heavy doom metal. Le second LP de Cauchemar, en fait, est prévu pour l'été prochain et a déjà été enregistré en Estrie il y a quelques mois. Et pour nous en parler plus longuement, la chanteuse et claviériste du groupe Annick Giroux nous a aimablement accordé une entrevue que voici. Subversion entrevue. Cette semaine, Annick Giroux, Cauchemar. J'ai le plaisir de m'entretenir avec une musicienne chanteuse, non seulement ça, mais promoteur, DJ, auteur. La liste est peut-être trop longue pour un podcast d'une heure. c'est Annick Giroux au bout du fil, ça va? Oui, ça va bien, toi, Sylvain? Oui, ça va bien. vous êtes entré en studio plutôt cet automne pour enregistrer ce qui sera votre deuxième album complet. Comment s'est passé le processus d'enregistrement et qu'est-ce qui a changé dans votre façon de faire depuis votre précédent Tenebrario en 2013? C'était vraiment complètement différent parce que cette fois-ci, à place d'enregistrer un studio à Ottawa, c'est notre batteur Xavier qui a tout enregistré. Donc, lui, il y a un studio qui s'appelle Théum. Et puis, c'est en partie chez lui. Puis, en partie, en fait, on a loué le chalet de son père qu'on a transformé en studio. Ah oui. Donc, c'était en esprit. Et puis, c'était vraiment cool, là. Puis, on a eu vraiment beaucoup de plaintes des voisins. on jouait tellement fort qu'on pouvait nous entendre comme de l'autre bout de la vallée. Ah oui, OK. Mais c'était vraiment plaisant. Là, on a passé une semaine en campagne. Puis oui. C'était vraiment cool. Là. Puis je pense que il y avait quelque chose de magique dans l'air quand on enregistrait l'album. Là. Oui. Oui, c'est un processus vraiment différent des autres qu'on a fait jusqu'à date. Là. Oui. Mais c'est toujours dans l'esprit quand même, je veux dire, du vieux son, hein, quelque part. Vous avez oui. Continué votre quête du son vintage? Oui, définitivement. Oui, oui. Ça reprend où est-ce que Tenebrario a arrêté, dans le fond. Oui, oui, oui. Donc, toujours les sonorités années 70. C'est vraiment heavy metal 70, là, donc... C'est basé sur des riffs très sabbatesques, mais avec un petit mélange de Judas Priest, puis c'est ça, là. Toujours en français, comme d'habitude. Oui, oui. Dans le fond, je disais en studio, mais apparemment, ça s'est passé aussi en église. Oui, en fait, on a visité de l'ordre d'église dans une chapelle à Montréal. C'était sur une orgue Cassavant. Qui date de 1880. Donc, le son de l'église est juste incroyable. Ah, oui, on a gardé le... Oui, c'est ça. On a mis des micros comme partout dans l'église. Donc, on peut entendre le reverb naturel. Ah oui. C'est vraiment cool. Ben, oui. C'est toi qui jouais de l'instrument. Oui, exactement. Oui, oui. Malheureusement, on ne pourra pas l'emporter en tournée avec nous. Non, c'est sûr, je pense qu'il y aurait des coûts de production assez élevés reliés à ça. Ça serait court. Oui, c'est sûr. Peut-être aux catacombes, sait-on jamais? Oui, si ça vient riche. Parlant des catacombes, Cauchemar va se produire le 22 janvier prochain, ici même à Montréal. À quoi on peut s'attendre de cette soirée? Ben, en fait, on peut s'attendre à une soirée vraiment avec un line-up parfait. Là. je veux dire, c'est comme, je sais pas si tu as déjà entendu le groupe Starlight Ritual. C'est un nouveau groupe montréalais, en fait, avec des membres de Forteresse. Je pourrais dire que c'est un petit peu, c'est heavy metal, hard rock, mais avec un côté très doom. Puis le chanteur, il y a une voix vraiment puissante à la Tony Martin, un peu de Black Sabbath. OK. Donc ça, c'est le groupe d'ouverture. Après ça, nous autres, on va jouer un set. Ça va être notre premier show à Montréal avec Xavier, notre nouveau batteur. Oui. Et puis, je vais avoir mon synthétiseur sur le stage. Là, donc, le son va être vraiment un peu plus. Là. Cool. Puis le groupe les headliners, c'est Magic Circle. Puis je sais pas si t'en as écouté un peu. C'est une des choses que je voulais faire cette semaine, justement. Écouter leur. Ben, je recommande à tout le monde parce qu'ils ont sorti deux disques jusqu'à date. Puis les deux sont. C'est des bijoux, là. C'est, ah oui? C'est super bon, là. C'est vraiment doom metal traditionnel, mais avec à côté 70, là. Puis, en tout cas, c'est un des meilleurs groupes de doom aux États-Unis en ce moment. Il y a bien des gens qui s'en sont probablement pas conscients, mais Cauchemar, c'est un des groupes québécois qui a visité beaucoup de pays outre-mer, outre-continent ces dernières années. Planifiez-vous quelque chose de semblable comme tournée cette année? Oui, en fait, on a déjà une tournée de planifier au Mexique. Donc, on va partir fin janvier, début février, avec Metallium. On va faire à peu près 6 dates. C'est ça. À part de ça, on va faire une tournée d'un mois et demi en Europe, à l'automne. On a déjà quelques dates de bookées pour ça, là. Donc, on fait déjà le festival Nuclear War Now à Berlin, puis le Hammer of Doom en Bavière. C'est pas mal ça, là. C'est une couple de choses que je voulais dire. Ça va être une année vraiment, vraiment occupée pour Cauchemar. Oui, oui. C'est un petit peu pour ça que je fais pas mon festival Wings of Metal cette année, parce que, je suis même trop occupée pour tout faire en même temps, là. Ouais, c'est ça. Ah ben c'est sûr qu'il y a, ouais, il y a des limites à ce que un seul être humain peut accomplir en même temps. Hein? Ouais. À ne pas manquer cette soirée magique le 22 janvier prochain, 2016 en fait, à 9h PM, billet à la porte avec DJ Satanic, Magic Circle, Starlight Ritual. En tout cas, c'est un plaisir de te parler, Yannick. Puis on va se revoir à ce concert-là. Au plaisir de vous voir en concert sur le sein des catacombes. Ben, tu viendras me dire allô. Tu viendras me faire une petite demande spéciale. oui, sure. OK, ben à la prochaine. À la prochaine, Sylvain. Merci pour tout. Hein. Oui, salut. Bye. Radio. We'll be right back. ça me rappelle du bon vieux Trouble, cette pièce de Magic Circle, ce groupe originaire du Massachusetts. Massachusetts, c'est donc bien dur à dire à chaque fois. La pièce est en Grand Deceivers de leur tout dernier Journey Blind de 2015. Groupe qui sera évidemment en concert aux Catacombes, c'est à voir, avec Cauchemar, dont on a eu une pièce aussi d'encre et de sang de 2013 de l'album Tenebrario. L'émission s'achève déjà. Je voulais mentionner, pour ceux qui seraient intéressés d'écouter nos épisodes antérieurs, peuvent le faire via SoundCloud, SoundCloud Subversion Metal pour les mots-clés, et aussi depuis la toute première épisode jusqu'à la dernière, c'est disponible aussi sur hurlemort.com/subversion. Profitez-en pour jeter un coup d'œil sur les critiques de disques et autres chroniques de notre ami Guillaume Gagnon alias Sinistros. Je voulais vous laisser sur oui c'est ça, sur deux pièces et vous glisser un petit mot à propos de David Bowie, oui, qui nous a quittés à l'âge de 69 ans. Évidemment, c'est une autre nouvelle qui a secoué la planète rock, étant donné l'étendue de son influence sur plusieurs styles d'artistes. David, évidemment, que bon, en passant par le psychédélique, le funk, le symphonique, voire même l'industriel gothique, des genres avec lesquels il a sporadiquement flirté avec de nombreux collaborateurs, de Rick Wakeman à Trent Reznor. Ça témoigne partiellement de l'étendue de l'influence qu'a eu David Bowie, non pas seulement pour son exploration musicale, mais aussi pour sa prestance, son image, sa démarche artistique, souvent champ gauche par rapport au courant populaire. Un nombre infini de groupes et d'artistes étiquetés glam metal ou gothic rock ou metal ont avoué le lien direct avec Bowie ou indirect dans la voie qu'ils ont choisi d'œuvrer. On peut détecter de telles nuances dans la prestance androgyne, mais somme toute rock des beaux jours de Motley Crue, ou encore dans la saveur théâtrale et audacieuse d'un mascarade infernal des Norvégiens de Arcturus, par exemple. Je vous laisse avec une de mes pièces favorites, évidemment, de David Bowie, avec cette citation de Pete Townshend des Who, qui a diffusé au lendemain de son départ. Je vais la lire intégrale pour la cause. « We have also lost a wonderful clown whose combined sense of mischief and creativity delighted touched our hearts. David Bowie was my Salvador Dali. He was also one facet of my perfect ace face. » Oui, on y va avec cette pièce de David Bowie, Life on Mars, de 1971. Ça sera suivi par une reprise par le groupe allemand Atrocity de sa pièce Let's Dance. Alors, oui, tout à fait gothique, mécanique, militaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de musique subversive. Salut. God awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Thank you.

say run, I run with you. And if you say hide,